pendant la période de Star Trek. J'étais mort, je te parlais. Moi, j'étais vivant, je t'écoutais pas. Peut-on, par la memphisation, accélérer les chakras? Bon, premièrement, on ne peut pas accélérer un chakra. Il y a des carrefours de méridiens d'énergie qui existent sur le corps physique. Il y en a 63 secondaires, 7 principaux, et c'est les 7 principaux que l'on connaît normalement. Étant donné que les méridiens, lorsqu'ils sont gavés d'énergie, lorsque l'énergie circule, émettent un champ électromagnétique qui est visible dans l'aura, qui est visible donc par une personne qui est clairvoyante. Lorsqu'un champ passe par là et qu'il croise un champ comme ça, bien lorsqu'il y a des perturbations, lorsqu'il y a un champ électromagnétique dans la circulation des méridiens, à l'approche du méridien qu'il croise, le champ électromagnétique a tendance à se gonfler pour rejoindre l'autre. Il y a une perturbation. Et s'il y a seulement deux méridiens, ça crée ce que les clairvoyants appellent des pétales. Ça crée une espèce de gonflement. Plus il y a de méridiens qui se croisent, plus nécessairement il y aura de gonflement. Comme la circulation d'énergie se fait d'une façon totalement physique, qu'elle se fait par bond, comme les dépolarisations se font par bond, il y a émission d'énergie, arrêt, émission, arrêt. Et normalement, l'être humain qui est suffisamment en harmonie a une émission d'énergie qui est relativement cyclique. Et cela va faire en sorte qu'un clairvoyant qui regarde un carrefour d'énergie qu'on appelle chakra, d'une façon un petit peu mauvaise, centre d'énergie, ce ne sont pas des centres, ce sont des carrefours d'énergie, eh bien, elle verra les méridiens qui communiquent par pont, dans un ordre particulier, ce qui donne l'impression qu'un chakra tourne dans un sens ou dans un autre sens. Et c'est pourquoi bien souvent aussi on parle de, bon, le chakra aux 1000 pétales, qui est le centre coronal qu'on a sur la tête, c'est d'ailleurs là que se fait le contact avec le plan supramental. Aux 1000 pétales, bien, il n'y a pas 1000 pétales, mais il y a 500 méridiens d'énergie qui se rencontrent, qui se croisent. Et il y aura une perturbation avant-après, et ça peut créer une forme d'illusion de roulement. Comme les clairvoyants sont spirituels, spiritualisme veut dire décodage des perceptions par l'émotivité. Alors, ils placent des pétales, des fleurs, etc. Est-ce qu'on peut accélérer ce rythme-là? L'accélérer ne sert à rien. Ce qu'on doit savoir, c'est premièrement au niveau des centres d'énergie, la majorité des corps physiques du système nord-planétaire sont suffisamment évolués, suffisamment génétiquement conquis par la mécanique d'évolution ascendante. Lorsque l'énergie partait du Kundalini à aller vers le centre coronal, du bas vers le haut. Aujourd'hui, ce que l'être humain doit faire, c'est de travailler l'énergie du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'il n'a pas à s'occuper de ses centres d'énergie, parce que sa génétique lui donne un corps physique et un corps vital, où les centres dans lesquels les centres d'énergie sont déjà suffisamment avancés. Traditionnellement, on veut les ouvrir, on veut les accélérer, etc. Mais encore là, on travaille à partir de concepts qui étaient réels il y a cela quelques milliers d'années et qui ont donné des résultats. Et c'est parce qu'ils ont donné des résultats qu'on n'en a plus besoin. Et c'est aussi parce qu'ils ont donné des résultats que beaucoup d'humains aujourd'hui veulent encore les pratiquer. Alors, la manifestation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend le mental maître contrôleur du physique. Elle rajeunit le corps, elle permet d'augmenter la capacité cérébrale de se servir donc de nos neurones, elle permet d'isométriser progressivement le cerveau, elle désassujettit la psychologie de son expression endocrinienne dans le corps physique, donc elle fait ce qu'on a parlé un peu, elle nous libère des manipulations, elle nous permet, nous, le mental, de devenir un peu plus contrôleur du corps physique progressivement donc de notre vie, d'atterrir de l'intelligence dans le corps physique. Et nécessairement, si un clairvoyant voit quelqu'un qui manifeste ou quelqu'un qui est devenu suffisamment maître de la technique Menfi, quelqu'un qui a fait de la technique Menfi une mémoire d'intervention, donc il n'a plus besoin de la pratiquer, un clairvoyant qui verrait ça verrait une aura extrêmement rapide et il verrait effectivement les carrefours d'énergie en travail extrêmement intense, comme on n'en a pas vu souvent. La deuxième question, cette accélération conduit-elle au feu intérieur? L'accélération conduit simplement à la perception ainsi qu'à l'attraction d'un peu plus d'énergie vitale. C'est ce que les égos détectent comme étant un feu intérieur. Mais c'est simplement de l'énergie vitale. Le feu intérieur, ce n'est vraiment pas l'évolution. C'est simplement la confirmation qu'on a un corps physique capable de soutenir de l'énergie. C'est extraordinaire d'avoir un feu intérieur, mais quand on l'a eu, puis qu'on l'entretient, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que des feux intérieurs. Le feu intérieur, amené par l'accélération des systèmes chakriques, la mécanique des chakras, tout ce que ça donne, ça ressemble un peu à un incendie d'une usine de pétrole. Et lorsqu'on a un contact avec l'intelligence supramentale, l'incendie que ça donne, c'est un peu comme l'explosion d'une supernova. Une étoile qui est à peu près, disons, des milliards de fois plus gros que notre Soleil. Alors, c'est extraordinaire d'avoir un feu de pétrole dans nous, mais quand on va un petit peu plus haut, on se rend compte que c'était une allumette. Suis-je une des rares sur la planète à prendre un engagement et à le tenir? Je dois être encore naïf. L'engagement de groupe sur une base non monnayable est très difficile à trouver chez l'humain. En sera-t-il de même chez l'homme nouveau? Pourquoi tant d'obstacles lorsqu'une personne ou un groupe veulent sincèrement faire quelque chose d'intelligent? Pourquoi l'intelligence met-elle un frein à de l'intelligence? Y a-t-il de quoi à refréner les meilleures bonnes volontés? Il y a de quoi à refréner les meilleures volontés. Je me botte le trois petits points, mais que fait l'intelligence? Premièrement, l'intelligence, c'est intelligent. Et dans l'humain, l'intelligence, elle est souvent exprimée par l'émotivité. Bon, une des rares sur la planète à prendre un engagement et à le tenir, non. Il y a énormément de personnes qui sont conscientisables, qu'on peut appeler homme nouveau ou femme nouvelle ou enfant nouveau, qui sont capables de prendre des engagements et le tenir. La seule chose qu'il y a, c'est que lorsqu'on est suffisamment transitif, il vient un temps où l'engagement, avant de décider qu'on le tient, eh bien, on est continuellement en train de changer, changeant notre point de vue, change, et on n'est jamais sûr que l'engagement est intelligent. C'est sûr que lorsqu'on a un œil qui s'ouvre, eh bien, on pense qu'on voit clair. Et lorsqu'on en a un deuxième, on se rend compte que peut-être que ce qu'on voyait dans le début n'était pas tout à fait en correspondance avec la réalité. L'engagement de groupe sur une base non monnayable est très difficile à trouver chez l'humain. On parle de bénévolat, par exemple. Pourquoi? Pour la simple raison que la majorité des humains qui font du bénévolat, sans bénévolat, pas nécessairement dans un hôpital, là, mais on peut vouloir faire un projet ensemble où c'est pas monnayable, donc c'est une forme de bénévolat, travail sans retour financier. La majorité des individus qui font du bénévolat sont des individus qui s'ennuient, sont des individus qui se sentent coupables, qui veulent payer quelque chose. Ce sont des individus qui ont besoin d'aller têter dans un cadre. Alors, ils sont totalement payés parce qu'ils vont chercher. Mais lorsque l'être humain a une raison intelligente d'accomplir quelque chose, l'ego qui manipule l'humain, il ne voit pas la raison. Alors, si moi je vous dis, par exemple, que, bon, vous allez faire du bénévolat quelque part, quand vous sortez de là, vous sortez tellement bien, c'est une question d'émotivité, de corps physique, d'énergie vitale et d'ego. Alors, vous allez revenir en faire. La journée que vous êtes satisfait, que vous êtes sevré, vous lâchez le bénévolat. Mais si on a une raison intelligente de venir en faire, c'est votre ego qui va devoir vous réveiller, vous lever, vous pousser, vous amener, des chances que vous ne veniez plus. L'engagement de groupe, bien nécessairement, c'est souvent limité par cela. Ça ne veut pas dire que la personne qui a un engagement bénévole est un imbécile. Elle peut ne pas être ajustée, elle peut être effectivement extrêmement manipulable, elle peut être un peu candide, bon, elle peut y aller, elle peut s'amuser. Comme elle peut être extrêmement intelligente, elle peut être une des rares personnes qui est capable d'instruire l'ego, d'accepter de laisser le mental faire quelque chose d'intelligent. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, lorsqu'ils ne seront plus transitifs, lorsqu'ils seront suffisamment acquis, seront plus souvent qu'autrement des bénévoles. Mais la société qu'ils vont finir par engendrer ne sera pas une société où on recherchera de l'argent, parce que l'argent sera inutile. Pourquoi tant d'obstacles lorsqu'une personne ou un groupe veulent sincèrement, sincèrement est le problème, faire quelque chose d'intelligent? Sincèrement est uniquement une question d'émotivité. Quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui place toute son émotivité dans cela. Comment pouvons-nous sincèrement vouloir faire quelque chose d'intelligent sans que l'intelligence vienne nous barrer la roue, de façon à nous obliger à vouloir faire, accomplir, non pas sincèrement, non pas missionnairement, quelque chose, uniquement parce que c'est intelligent que ce soit fait? On n'a pas besoin de vouloir accomplir sincèrement quelque chose d'intelligent. C'est intelligent, on doit avoir suffisamment d'intelligence pour que, de toute façon, on soit obligé à le faire. Sincèrement, c'est une question d'émotivité, c'est pourquoi l'intelligence s'arrange pour mettre des freins, ainsi d'ailleurs que toutes les mécaniques de manipulation évolutive, s'arrange pour mettre des freins pour que l'individu n'aboutisse pas, de façon à ce que l'individu, dans ce qu'il veut accomplir, ne place pas la majorité de l'importance de sa vie dans ce qu'elle veut accomplir, mais que tout cela finisse par être centré sur ce qu'elle est elle. Le reste va s'accomplir tout seul lorsqu'elle aura elle-même accompli ce qu'elle doit être. Il y a, voyez-vous, tellement de choses qui seraient intelligentes de faire qu'on ne peut pas faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce qu'on n'est juste pas assez intelligent. Et la preuve, c'est qu'on a besoin que cette chose-là soit faite. Et si on serait suffisamment intelligent, ça serait déjà fait. Pas parce qu'on aura travaillé à le faire, pas parce qu'on aura mis du temps à le faire. Parce que si on en a besoin et qu'on est suffisamment intelligent, ça va se placer. Sinon, ça ne se place pas. Il y a une grande nuance entre être intelligent et intellect humain. L'individu qui doit réfléchir pour savoir quel chemin il prend est intellectuel. Ce n'est pas intelligent de réfléchir. Si vous êtes intelligent, vous savez la réponse. Si vous devez réfléchir, vous êtes intellectuel. L'intelligent est toujours placé à la bonne place. Donc, il n'a rien à faire. Tout est déjà fait. Oui, mais c'est intelligent d'avoir un cadre pour évoluer plus rapidement. Si tu es intelligent, tu évolues déjà plus rapidement. Tu n'as pas besoin du cadre. Donc, c'est pourquoi il y a des petits blocages. On parle ici de la difficulté d'autoriser un groupe à travailler, mais dans le sens de ce qu'on disait tantôt, de pratiquer une heure par semaine et une heure par jour, ça me fait penser au moment où j'ai commencé à vouloir faire de la méditation, c'était 20 minutes par jour. Puis j'ai souvent eu du mal à m'autoriser de m'accorder 20 minutes par jour. Pourtant, 20 minutes, c'est pas énorme, mais t'arrives de travailler, t'arrives à la maison, il y a les enfants, tu veux t'occuper des enfants, égoïquement, aller t'occuper de toi pendant 20 minutes, c'est déjà trop. Ça, c'est des programmations sociales, collectives, de ce que c'est qu'un bon père de famille. Il se sacrifie pour ses enfants. Mais à quoi ça sert de te sacrifier pour tes enfants de façon à ce qu'eux puissent se sacrifier convenablement pour les leurs, pour qu'eux puissent se sacrifier pour les leurs, pour qu'eux puissent... On a ces limites-là, pareil, ils existent. Je sais que c'est pas brillant, mais ils sont là, pareil. Et comment on peut faire pour il faut se convaincre que c'est inutile, puis... On doit devenir extrêmement égoïste, on doit devenir extrêmement individuel. C'est pourquoi tout à l'heure j'expliquais que si on veut ouvrir une porte dans sa vie, on doit se centrer sur soi-même, pas être collectif, pas être limité par personne. C'est comme de dire, pour pouvoir organiser ta vie pour te donner du temps, il faudrait que tu aies du temps pour l'organiser, le temps. Mais tu n'as pas le temps d'organiser, parce que moi, vraiment, que tu veux prendre du temps pour organiser ton emploi, bien, tu es tellement occupé que tu n'as pas le temps. Si tu veux prendre du temps chez vous pour pouvoir t'organiser, pour être de meilleures humeurs avec la famille, ça veut dire que tu prennes 20 minutes. Mais quand tu prends 20 minutes, bien, ils sont tous en maudit, puis quand tu sors de là, tu sautes dessus. Ou tu te sens mal, les autres sont tous pas maudits, mais toi, tu te dis, hey, c'est ça, puni, faut pas prendre 20 minutes. Tu es plus rapide encore, tu es précoce. À un moment donné... Puni d'avance. Oui, à un moment donné, il faut qu'on bloque la roue. Pour bloquer la roue, il faut qu'on s'intelligencie en se répétant que dans 20 ans d'ici, il va rester moi. Il ne restera rien de tout ce que j'aurai fait. Travailler avec un groupe, c'est la même chose. Travailler avec un groupe, ça ne se fait pas. Moi, je ne travaille avec aucun groupe. Mais par contre, de temps en temps, à 20, on fait des choses. Mais chaque personne travaille tout seul. On est tout seul dans une gang, tout seul. On n'est pas un groupe. Et de toute façon, là, c'est beaucoup plus facile. On manipule facilement un groupe. Vu qu'on est 25 tout seul, on est 25 pareil comme si on était tout seul. Dans un groupe, on est 25 plus faible. Parce qu'on dit le groupe, ça renforcit. Le groupe, ça sécurise. Ça renforce pas le groupe, ça sécurise. C'est pas pareil. Puis le temps que tu te sécurises, tu oublies des choses. L'individu, c'est le même phénomène. Prendre une demi-heure, c'est facile. Prendre une heure, c'est facile. Tout ce qu'il y a, c'est que c'est évident que tout ce qui est autour de toi va tout faire pour t'empêcher de le faire. Parce qu'il y a des manipulations collectives. L'humain est collectif et l'humain veut s'arranger pour, non pas améliorer les choses, mais essayer de vivre l'illusion de l'espoir du passé. Bon, à un moment donné, on est ensemble en famille et puis on a du plaisir toute la soirée. Et cette mémoire-là, on veut tellement la recréer qu'on va tout faire pour la recréer. Mais quand elle est apparue, on ne faisait rien pour la créer. Donc, si on fait tout pour la créer, on ne fait pas comme on l'a fait la première fois, et on ne l'aura jamais. On doit devenir tellement individualiste qu'on doit se dire « moi, moi, moi, et uniquement moi ». Et là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « oui, mais ça n'a pas d'allure, ça veut dire qu'on laisse tomber tout le monde ». Ces personnes-là, là, ils ont simplement peur qu'on les laisse tomber. C'est pour ça qu'ils disent ça. Toi, si tu dis, ben voilà, ouais, ma famille, là, au yard de la famille, moi, pour commencer. Ouais, mais ça n'a pas d'allure. Parce que tu as peur que ta famille te laisse tomber. Pas parce que tu as peur de les laisser tomber. Et l'insécurité va se muer en culpabilité à cause de ton orgueil, c'est-à-dire que tu vas transmuer la peur que les autres te laissent tomber en culpabilité de les laisser tomber. Ils te laisseront pas tomber, puis s'ils te laissent tomber, qui te laisse tomber? Toi. Parce que dans 20 ans d'ici, tes enfants, là, ici, j'ai bon, ta femme ou ton mari, ou etc., ça va être ce que c'est. Oui, mais on se dit que c'est maintenant qu'on a besoin de nous autres, et puis que là, c'est là qu'il faut qu'on oui, c'est maintenant qu'on a besoin de nous autres, tout proche. Moi, j'aime autant prendre un an de retrait pour après ça passer 15 ans à travailler mieux. Mais lui-même va essayer de prendre 20, 16 ans tout croche en espérant que dans le tout croche, il va finir par être bon. Comme je disais à quelqu'un à un moment donné, c'est pas parce que ça fait 20 ans que tu travailles mal que maintenant tu travailles bien. Ben c'est pareil. C'est pas parce que ça fait 15 ans que tu vis mal avec tes enfants qu'à la 16e année, tu vis mieux. Plus souvent qu'autrement, ça va aller de pire en pire. Alors, tu prends du temps. Fait que la première pratique pourrait être de se convaincre qu'on est égoïste et puis qu'on... mal égoïste. L'humain est égoïste. L'humain, il est totalement égoïste. Il n'est cuit. Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi mets-tu ton temps pour travailler avec tes enfants? Pour ne plus te sentir mal. C'est pour toi. Oh, c'est égoïste. Puis c'est vrai. Pourquoi tu veux donner ton temps aux enfants? Et je me sens mal sans ça. Ah, tu veux guérir ta maladie? Oui, tu donnes ton temps aux enfants. Mais c'est pas pour les enfants. Si tu ne te sentiras pas coupable, tu ne leur donneras pas de temps. L'humain est uniquement basé sur l'égoïsterie, sauf qu'il ne le sait pas. Il est bâti sur une illusion. Je suis tellement égoïste que je t'ai instruit en tant que mon fils que tu devais penser à moi. C'est-à-dire, penser aux autres. Comme je pense à toi. Mais pourquoi je pense à toi? Parce que je me sens coupable, t'es mon fils. Parce que je pensais qu'à moi. Alors, à un moment donné, on finit par projeter totalement. Tout ce que l'humain fait, il n'y en a pas un ici qui fait quelque chose de gratuit. Il n'y en a pas. Sa planète, il n'y en a pas. L'humain fait uniquement des choses en fonction de lui-même. Oui, mais j'ai acheté un cadeau, c'est pour lui faire plaisir. Puis s'il prend le cadeau et dit, merde, pas encore un autre, mot poubelle, qu'est-ce qui se passe chez toi? C'était pas pour lui faire plaisir, c'était pour te faire plaisir. Ça te fait plaisir quand il est heureux ou quand elle est heureuse. Et là, elle a mis sa poubelle, t'es faite. Tu ne le faisais pas pour lui, tu le faisais pour toi. Tout. Il n'y a personne qui fait un geste gratuit. Bon, non, non. C'est ta fête, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient, puis tu lui dis, « Hey, t'es venu de Val-d'Or me voir. Oh oui, ça me faisait plaisir de venir. » Il ne pense pas si bien dire. Il n'est pas venu pour toi. Il est venu pour lui. Ça lui faisait plaisir de venir. Ah, moi, là, ça me dérange d'être ici. Et que j'aille ça, ça me fait vraiment pas plaisir. Tu le mérites. Mais personnellement, je reste chez nous. Flair un gars honnête. Mais il n'y en a pas. Puis toi, tu comprendras rien. Parce que il tient mal. Tu préfères que ce soit poli, qu'il compte des menteries. T'es égoïste, comme lui va être égoïste. Lui vient parce que ça lui fait plaisir. Il te donne un cadeau, ça lui fait plaisir. Puis plus t'es content, plus ça lui fait plaisir. C'est pourquoi on veut que l'autre soit content. Si on réussit à dire toujours la vérité, le fond de la pensée, il faudrait d'abord le percevoir. Oui, c'est ce que l'on doit faire. On n'aurait pas beaucoup d'amis. C'est pas grave, t'en as pas d'amis non plus. C'est tous des idées. Ouais, bon, hein? C'est des têteux, la majorité. On est amis, toi deux. Je te tête régulièrement. Ben oui. Quand je vais chez toi, c'est parce que j'aime ça, je me plais. Vibratoirement, c'est impeccable. Bon, si on va manger ensemble, ça me plaît. Vibratoirement, c'est impeccable. Je te tête. L'avantage qu'il y a, si tu me têtes autant. Fait qu'il y a un échange d'énergie, ça va, c'est une synergie. Mais faut pas qu'on se le cache non plus. Si je me tiens avec toi, c'est uniquement parce que ça me va. La journée que ça m'ira plus, je me tiendrai plus que toi. C'est la même affaire pour toi. C'est la même affaire pour n'importe qui est ici. C'est identique. Puis nous autres, on est assez intelligents pour pas se marier, il n'y a pas de contrat. Fait que la journée que ça ira plus, sauf une autre. Mais quand... Surtout que ma femme veut pas qu'on se marie. Un contrat, c'est la contrarie. C'est ça. Alors, mais c'est exactement la même affaire. Ça sert à rien qu'on se leurre régulièrement, etc. Si j'aime le contact de tes enfants, c'est juste ça, j'aime ça. C'est uniquement pour moi. Puis si eux, ils aiment ça, c'est uniquement pour eux autres. Puis c'est bien correct. Puis il y a un échange d'énergie qui est convenable. Puis, par contre, où on peut... Mais pourquoi on ne s'accorde pas à nous, en tant qu'individu, à chacun, autant d'intérêt qu'on accorde aux autres pour se faire plaisir? Mais moi, c'est ce que je fais. Je devrais avoir autant de plaisir avec moi qu'avec mes conjoints. Mais moi, j'ai autant de plaisir avec moi qu'avec les autres. Donc, tout ça, je m'ennuie jamais. Je trouve ça intéressant. Il n'y a aucun problème. Par contre, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que même si moi, on en a parlé dans une conférence, mais c'était bon d'ajuster quand même, si moi, je t'utilise uniquement parce que ça me va, au niveau de l'intelligence, je suis capable d'être en vibration de ce que j'appelle l'amour intelligent pour te laisser totalement libre d'être ce que tu es, de venir quand tu viens, de partir quand tu pars, sans que jamais ça vienne influencer ma conscience, parce que même si je suis égoïstement abreuvé à ta présence, jamais mon besoin va être capable de contrôler ma conscience de façon à ce qu'elle m'oblige à te contrôler. Par contre, la majorité des humains s'abreuvent les uns les autres et sont tellement omnibulés par ce besoin de s'abreuver qu'ils vont démolir la vision d'intelligence et là, ils vont commencer à se tout manipuler au nom de l'amour, de ce qu'ils appellent l'amour. Moi, au nom de l'amour, je ne manipule personne. Alors que tous les humains ou la majorité, au nom de l'amour, se tout manipulent. Quand je suis suffisamment lucide pour savoir que si je reste avec ma femme, c'est parce qu'elle me rapporte. Et si elle reste avec moi, c'est parce que je lui rapporte. C'est évident. Que ce soit au niveau de la présence, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau des échanges intelligents, que ce soit au niveau de la vibration, que ce soit au niveau de l'énergie, c'est évident. Mais je suis suffisamment intelligent dans mon affection pour que lorsqu'elle veut partir un mois et demi, comme elle l'a déjà fait, en Jamaïque ou ailleurs, elle part, je vais la reconduire à l'aéroport, et puis je lui souhaite bon voyage. Puis tu finis là. Puis elle part, tu finis là aussi. Elle me téléphone même pas. Elle a déjà essayé une fois, je n'ai pas répondu. Puis quand elle revient, ben, je suis extrêmement content. Puis quand elle repart, je ne dérange pas non plus. Mais... Je pense que tu n'as pas dit « je suis extrêmement content » parce qu'elle écoute la question. Mais l'humain est égoïste, il n'y a aucun problème d'être égoïste. Moi, je suis égoïste, puis je le sais, les autres, ils le savent, ils ne le savent pas. C'est la seule nuance. Alors, eux, ils en souffrent, pas moi. Que pensez-vous des voyants... Que pensez-vous... Peut-être plusieurs à répondre. Que pensez-vous des voyants qui peuvent voir des images de notre avenir? C'est là que ça ne pas trop se dérive. Parce que c'est trop serré, ça coupe la circulation, puis là, ils voient des choses... Ils ne voient pas des images de notre avenir, ils voient simplement des images, des possibilités de notre avenir. La majorité des images d'avenir qu'il voit sont des images du passé, projetées dans un avenir restructuré par leur mental, qui ajuste le passé à la technologie présente. Sauf qu'on a de temps en temps des personnes qui ne sont pas des voyants, mais qui sont des prédicteurs, qui sont capables de voir des futurs possibles. Mais l'avenir reste un phénomène qui est vague, qui est en mouvement, qui n'est pas précis. Le passé est précis, pas l'avenir. Alors, qu'est-ce que je pense d'eux? Oh, je pense qu'ils sont corrects. Nostradamus. Mais je pense qu'on ne devrait pas se fier à rien de l'avenir. Nostradamus, est-ce que c'est des futurs possibles? Non, regarde, Michel de Nostradam, j'ai déjà expliqué ça, il a été fait enterrer avec une plaque en or sur laquelle il lui-même avait fait graver quelque chose là-dessus. Bon, plusieurs années plus tard, il y a des personnes qui s'alcoolisaient et totalement ivres sont sorties, puis là, ils ont fait un pari. Nostradamus, ils ont été convaincus qu'il n'existait pas, fait qu'ils ont fait un pari, on va aller voir où est-ce que ça tombe. On va creuser, je te gage, est-ce que tu voudras qu'il n'y a rien dans la tombe? Alors, ils se sont promenés, titubants jusqu'à la tombe, ils ont rampé jusque-là, bon. Ah, ils ont creusé avec une pelle, etc. Et puis, ils ont ouvert le tombeau, puis là, il y avait un squelette avec encore des lambeaux de poupe, etc. Et il y avait une plaque en or, placée dessus, c'était écrit, « Maudits soient les profanateurs de ma tombe en ce, la date exacte, où les gars regardaient la tombe. » A-t-il prédit l'avenir? Et c'est ce qui a donné un coup magistral à ses centuries du point de vue du fait que peut-être il avait raison. Mais voyons ça à la Kemp. Fermez-vous les yeux. Nostradamus, étant un astrologue, étant aussi une personne qui prévoit l'avenir, qui a des communications avec l'astral, avec la mémoire planétaire, la conscience collective, va instruire l'astral qu'un jour, à telle date, l'astral devrait descendre dans la conscience d'êtres humains faibles, les manipuler à venir déterrer la tombe, parce que la date sur la plaque, c'est là. Alors, les personnes qui sont facilement alcoolisables, à un moment donné, se font ramasser par des manipulations, commencent à boire, et là, sous l'étreinte des mémoires nostradamiennes, finissent par faire un pari. Totalement ivres, ils n'ont plus leur conscience, ils sont le jouet de l'astral, et l'astral les amène là de façon à ce qu'ils ouvrent la tombe, la bonne journée. Alors, Michel de Nostradamus n'avait jamais prévu l'avenir. Il l'avait arrangé. Il l'avait créé à l'avance. Il l'avait arrangé. C'est ce qui va arriver dans le phénomène, par exemple, des pyramides, la pyramide de Toutankhamon, entre autres. Mais c'est encore plus puissant que de lire dans l'avenir, créer c'est l'avenir. C'est pas plus puissant, c'est la même chose. En tout cas, le résultat est pas mal des... Ben, c'est la même maudite bebelle. Connaître l'avenir, puis l'orchestrer. Le manipuler. Mais c'est facile de l'orchestrer dans l'astral, dans l'intelligence, que c'est compliqué. Alors, la majorité des voyants voient des choses. Et ils s'entendent tous pour dire que leur voyance ne vaut rien. Hein? Ça incline, mais ça n'oblige pas. Ben, c'est ça. Si tu décides que tu te laisses manipuler par, ça aura des chances que ça arrive. Sinon, ça n'arrivera pas. D'où tenez-vous les informations que vous nous divulguez? Je ne les tiens pas. Désolé. Dans ton lit. Oui, c'est ça, je les ai dans mon lit. Ce n'est pas important de savoir d'où ça vient. Ce qui est important est de savoir où ça va. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que ça peut être utilisable? Est-ce que ça peut servir? Alors oui. Mais d'où ça vient? Si je vous dis que ça vient de ceci, cela, cela, est-ce que ça donne plus de poids ce que j'ai dit? C'est pas celui qui parle qui doit diplômer, c'est ceux qui écoutent. C'est là qu'ils doivent être capables de faire quelque chose avec ce qu'ils entendent. D'où ça vient? Ça vient d'un endroit qui s'appelle l'intelligence instantanée. Hein? Ça, là, je respire. Et puis Charles, il respire pas comme il faut. Ça m'en laisse un coup. Et puis je l'ai dit. Et puis à un moment donné, ben, vous aurez accès aussi à la même source d'information, qui est extrêmement intéressante et qui est extrêmement volumineuse. Indépendamment de la réincarnation des mémoires, advenant une fusion de plusieurs âmes, certaines d'entre elles perdent-elles leur identité? Oui et non. Qu'est-ce que c'est que perdre son identité? Je le répète souvent. Quand vous aviez 12 ans, vous aviez une identité. À 13 ans, vous ne l'aviez plus, vous en aviez une autre. Avez-vous souffert de la perte d'identité? Vous avez cumulé l'identité. L'accumulation fait qu'il y a une autre forme d'identité. La génétique de votre mère s'est perdue dans la génétique de votre père, et vice-versa. C'est maintenant la vôtre. Souffrance? Non. Problème? Non. Peur? Non plus. Les consciences restent les mêmes, mais les consciences ne sont plus jamais les mêmes. Certains ésotéristes du Québec prétendent que certains supramentaux, ces manteaux divers, travaillent avec les forces alimaniennes. Et un de ceux-là l'aurait même dit publiquement il y a quelques années. Que sont les forces arimaniennes? Y a-t-il vraiment un rapport entre ces forces et les supramentaux? Bon, premièrement, on doit faire attention pour la simple raison qu'au niveau du contact supramental dans la province de Québec, il y a deux antennes supramentales convenables, des antennes collectives, des personnes capables d'être orateurs pour un public. Il y a une panoplie de martyrs de la transition supramentale, des individus qui ont trop d'ego, qui à un moment donné se sont connectés à l'astral supramental, au réservoir de mémoire qui ont été créés par le fait que les individus ont parlé. Ayant trop d'ego et ayant un contact avec de la mémoire supramentale dans l'astral, ils sont comme des supramentaux, des antennes supramentales, peuvent faire des conférences aussi, peuvent faire des émissions de télévision, ils peuvent aussi parler. Et ces personnages ayant trop d'ego, bien souvent, vont aussi parler contre d'autres personnes. On peut les reconnaître à plusieurs facteurs. Ayant trop d'ego, ils peuvent facilement s'associer à des mécaniques sataniens ou à Rimaniens. Bon, le prétendre, oui, pas de problème. Maintenant, il faut aussi faire attention. Si je dis que moi, je suis un antéchrist, ça peut être récupéré de bien des façons. Alors, je ne le dis pas. Mais l'antéchrist, ça peut être deux choses. Antichrist. Anté veut dire comme antérieur, hein, avant. Antichrist comme antichambre, avant. Précurseur. Mais dans une autre racine, ça peut vouloir dire contre. Il m'intéresse à savoir ce qu'ils voulaient dire les anciens. Saint-Jean. Si je suis un anti, dans le sens avant, précurseur, ben c'est évident. Si je suis un anti dans le sens contre, ça peut être évident aussi. Mais suis-je contre le Christ, énergie christique, vieux terme alchimique qui désigne énergie supramentale, alors que je parle parce que je suis en contact avec mon esprit, moi-même, le phénomène supramental, ou si ça peut vouloir dire que je suis contre l'image que les gens se font du Christ, donc l'antichrist anti tous les concepts christiques qui font que chaque être humain adore une croix, Alors, c'est un terme Ariman, hein? On pense que c'est un personnage qui court sur deux pattes. Bon, on peut le personnifier même vitalement. Rudolf Steiner l'avait même déjà rencontré. Il a même fait une sculpture. Ariman, c'est un concept philosophique, un concept ésotérique qui exprime, dans un mot, la tendance qu'a l'humain de se sécuriser par l'argent, de se sécuriser par la matière, de vouloir amasser du luxe et non pas de l'utilité ou encore de l'esthétique. L'esthétique n'est pas du luxe. Bon. Alors, l'individu, par exemple, qui change d'automobile tous les années uniquement parce qu'il y a de l'argent pour le faire, il est sous le joug de Harriman. L'individu qui change d'automobile toutes les années uniquement pour l'adapter à son nombre de formes, il est sous le joug de l'intelligence. Donc, on ne doit pas regarder quelqu'un qui, par exemple, porte une bague en or ou en diamant pour dire qu'il est arimanien. Peut-être qu'il s'en sert pour se guérir, peut-être qu'il s'en sert pour comme condensateur d'énergie, peut-être qu'il est arimanien, peut-être qu'il ne l'est pas. Alors, c'est ce qui est Ariman. Si tout le monde a une destinée collective, tout le monde a forcément une destinée individuelle, prédestinée. Destinée implique une destination. Qu'on soit collectif ou individuel, deux choses ne peuvent être en même temps à la même place. Même si toi, tu es individuel, si l'auto que tu veux est prise, ne te reste-t-il pas qu'à te convaincre que tu es mieux avec ta Lada qu'avec une Ferrari? Bon. Il n'y a pas de destinée individuelle. Il n'y a que de destinée collective. Et même si la personne dit « Oui, mais si tu es individuel, si une destinée collective, il y en a une individuelle, c'est parce que la personne n'est pas individuelle, elle est collective. » L'être humain qui devient individuel, c'est un être humain qui se désassujettit totalement de la mécanique collective. Et quand on parle de libre-arbitre, cela veut dire que progressivement, l'individu ne sera plus manipulable par les visions collectives. Il ne sera plus manipulable par les tangentes de la société ou de l'humanité. Et, lentement, il va être capable de se centrer sur lui-même, se centrant sur lui-même et des processus que l'humanité n'a à peu près jamais connus qui vont commencer à apparaître. On ne peut pas comprendre la non-destinée d'un individu avec une conscience individuelle à partir de ce que l'on connaît dans la tradition. L'individu va devenir un foyer d'attraction tel que c'est lui qui va imbriquer des mécaniques dans la destinée collective et le collectivisme sera maintenant assujetti à l'individu. La nuance, lorsqu'à un moment donné, un individu devient suffisamment intelligent, vivant, dans son entourage, les individus vont commencer à être intelligents et à être vivants. Un observateur extérieur qui ne comprend pas la mécanique va dire « Ah, mais il est collectif pareil. Il a une destinée collective. Ils vont vers l'intelligence. » Il a une destinée, non. Plus il va être en contact avec son intelligence, plus il va être capable de mener des facteurs neufs, non prévisibles, donc non prévus, donc des facteurs qui ne font partie d'aucune forme de mécanique. Parce que l'humain est, depuis qu'il est sur la planète Terre, depuis que, bon, disons un peu plus de 4 milliards d'années dans le contexte planétaire, tout a été régi par une mécanique, il ne pourra pas comprendre la valeur réelle de ce que je dis. Il aura tendance à l'expliquer intellectuellement ou émotivement. Le neuf, le gratuit, n'existe pas encore dans notre contexte, ce qui fait que l'individu ne pourra pas comprendre l'idée d'une non-destinée. La majorité des personnes votent pour le libre-arbitre, votent pour la non-destinée et vont se faire tirer aux cartes pour savoir leur avenir. Donc, ils veulent connaître leur destinée et n'y croient pas. Le collectif, il est totalement destiné. Pourquoi? Parce que si le troupeau suit le troupeau, si un élément tourne à gauche, tout le monde tourne à gauche. Alors, il y a une destinée. La destinée est une mécanique qui fait que tout est interrelié. On appelle ça un écosystème. S'il n'y a plus d'herbe là, les brebis vont aller à droite là au lieu de l'herbe. C'est une destinée. C'était prévisible. C'est un écosystème tellement complexe que l'humain n'arrive pas à le comprendre mathématiquement pour pouvoir bien saisir l'idée qu'effectivement, tant qu'on est dans une conscience collective, on est totalement manipulé. L'individu qui devient individuel, mais pas individualiste matériellement, humainement, biologiquement, mais individuel dans sa conscience, dans sa vision des choses, dans sa communication, dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'agir. L'individu qui devient individuel dans sa conscience se branche à une source qui n'est pas collective, qui n'est pas planétaire, qui n'est pas archangélique, qui n'est pas destinée. Et dans ce branchement, s'il va voir un astrologue, l'astrologue ne prévoit rien de ce qui peut arriver vers ça. Un voyant, il ne prévoit pas. Un médium, il ne prévoit pas ses médiums, sa vision. Il ne peut pas. Et ça, ça n'a pas été expérimenté suffisamment dans le contexte de la planète pour que les individus spirituellement attachés à la tradition, les individus morts, mémoriels, puissent en parler. C'est du neuf. Ils ne connaissent pas ça. Un sage a dit qu'heureusement que les fonctions digestives et corporelles étaient inconscientes, autrement on serait mal pris. Il disait qu'il faut en venir à la même chose avec le mental, que tout soit fait inconsciemment. Il a dit que la conscience ultime est inconsciente d'elle. Elle est. C'est tout. Elle n'est pas consciente de quelque chose. Faut-il devenir conscient, inconscient, ou est-ce la même chose? L'inconscience humaine, c'est une conscience faussée. C'est une illusion de conscience. L'individu qui dit, ben oui, ben moi, je suis conscient quand je suis en colère, je suis conscient quand je suis malheureux, je suis conscient, il n'est pas dans la conscience. La conscience n'est pas mémorielle. La conscience, elle est instantanée. Elle ne provient pas de la mémoire. On ne peut pas être conscient et dire, je suis conscient et je sais qui je suis. Si je sais qui je ne suis pas conscient, je suis mémoriel. Donc, on peut donc définir deux consciences. Une conscience mémorielle de l'inconscience et une conscience consciente. Pour celui qui vit de la conscience mémorielle, celui qui doit être conscient de sa mémoire pour se prétendre conscient, il dira, lorsque tu es conscient dans l'instantané, non pas dans la mémoire, tu ne peux pas être conscient de la mémoire. Si tu n'es pas conscient de la mémoire, tu ne peux pas être conscient du passé, du présent ou de l'avenir. Donc, il dira, tu es inconscient. Alors, c'est vrai. Ce sage n'était pas un sage, parce que les sages ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la réalité non plus. C'était un être humain relativement bien branché, parce que le temps qu'il dit ça. Lorsque vous devenez totalement, lorsque vous êtes totalement instantané, et je l'ai dit souvent, vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas utile de savoir que vous êtes vivant. Pour savoir que vous êtes vivant, vous devez prendre une photo de votre vie, la placer sur un mur et la dire « Ah! » Et c'est ça, c'est de la mémoire. Vous êtes mort. L'individu qui dit « Je pense, donc je suis » est mort. Je regarde mes mémoires, je peux penser, je constate que j'ai pensé, donc je suis. J'étais. Le bonhomme ici ou la bonne femme qui a dit ça, il a totalement raison, mais on doit faire attention avec les idées. Parce qu'à un moment donné, dans le paradoxe, parce qu'il manque beaucoup de mots dans le contexte planétaire pour exprimer de l'intelligence ou du neuf, on joue avec les mots. La conscience totale n'est pas consciente d'elle-même. La conscience totale est instantanée. Elle a accès à un savoir instantané, ce qui lui permet de se passer de la mémoire. Elle sait tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'elle le sache. Pour ceux qui sont inconscients dans la conscience mémorielle, ils diront que c'est la conscience totale. Pour celui qui est de la conscience totale, ben, ils n'en parleront pas, ils vont s'en foutre. Tu parles de fusion. Qu'est-ce qui fusionne à quoi s'il n'y a plus d'ego? Entends-tu par fusion une sublimation? Non. C'est la fusion du double éthérique avec le corps physique. Explique le fait qu'une personne qui parle d'une chose qu'elle n'est plus forme le contraire. Est-ce que cela va aussi avec une attitude comme un coléreux qui parle qu'il n'est plus, alors risque de le redevenir? Lorsque vous allez progressivement traverser, quand on parle d'ouvrir une porte dans sa vie, si vous osez appliquer une heure par semaine dans le début ce que j'ai expliqué, et il y a un grand problème que plusieurs personnes ont déjà constaté avec ce que je dis, c'est que lorsqu'ils le mettent en pratique, ça fonctionne. Et c'est un grave problème. Parce que bien souvent, les individus veulent chercher des techniques, des solutions pour s'en sortir. Mais ils ne veulent pas s'en sortir. Ils veulent simplement travailler pour s'en sortir. Lorsque la personne transite, elle quitte la majorité des lois de l'homme ancien et elle se dirige vers les lois de vie de l'homme nouveau, de la femme et de l'enfant nouveau. Entre les deux, il y a toujours notre hésitation, la médiocratie. On tend une main vers le soleil, on en garde le corps dans le froid et on souffre un peu plus. Et on souffre surtout dans l'endroit de transition, où il y a la chaleur qui touche ma main, mes cellules chaudes qui touchent mes cellules froides, il y a un problème là-dedans. Ce qui va arriver, c'est que l'être humain qui se conscientise, s'il parle un peu trop de ce qu'il est, il égoïse. S'il s'égoïse, il risque de démolir ce qu'il compte. Celui qui fait des projections et qui se conscientise va voir tout ce qu'il veut avoir être détruit. Celui qui s'identise, sinistre individu dominé par l'astral, bon, s'identisation. Celui qui s'identise vers ce qu'il ne veut pas va possiblement avoir ce qu'il veut. La problématique, c'est les égos. Je ne veux pas avoir d'automobile, je vais encore avoir des mousses problèmes avec ça. Hey, j'ai bien s'identisé, va peut-être l'avoir. Je vais te démolir. Tant qu'il met un égo, lui-même a le prix. Alors, il se peut fortement, dépendant du schéma d'évolution d'un individu, qu'un individu qui vient de se vanter qui est plus en colère, soit un individu qui soit juste en train d'essayer de se convaincre parce qu'il sent déjà qu'il perd. On doit se taire. Et quand vous réussissez, fermez-la. Parce que toute énergie que vous allez perdre en le communiquant risque de vous baisser juste assez pour que vous ne soyez plus ce que vous pensez que vous avez gagné. On doit évoluer individuellement. Mes résultats, mes succès, je ne les partage à personne. Pourquoi? Sinon pour me collectiviser. Alors le taux d'énergie que j'ai, ben, je le dilue dans la masse. On n'en parle pas. La majorité des personnes qui me posent des questions directement sur moi, je réponds toujours, ça me regarde, ça ne regarde pas. Pour un paquet de raisons, pas parce que je suis bête. Simplement parce que je ne suis pas bête. Je conserve mon énergie, je vous laisse la vôtre. Alors la personne qui commence à parler, elle risque fortement de perdre le peu d'énergie qui la faisait être là. Elle est fière de son coup. Elle est orgueilleuse, égoïsée, émotivement, sous la fierté. Alors, elle s'égoïse et elle va perdre. Un couple ami a acheté une maison. À leur grande surprise, ils s'engueulent autant qu'avant et s'aperçoivent que c'est leur couple qui ne marche pas. Avant, ils pensaient que c'était où ils habitaient. Comment un couple traîne-t-il avec eux leurs problèmes de maison en maison? J'ai déjà expliqué que la matière enregistrait les choses et que lorsqu'il y a eu suffisamment de mémoire dans une pièce ou dans des meubles, eh bien ça peut facilement, vu que c'est toujours exprimé par rayonnement, par imprégnation, ça peut manipuler des individus. Changer de mobilier, changer de chambre, changer de maison, ça peut aider. Les corps physiques sont faits de matière, hein. C'est les corps physiques, évidemment, qui ont accumulé tout ça au complet. Hein. C'est évident que c'est pas en déménageant qu'on règle le problème. Prenons l'exemple d'une personne qui se drogue. Elle va dire, si un jour je vais dans un paradis, je vais cesser de me droguer, c'est parce qu'ici on est en enfer que je me drogue. Mais moi, je ne mène pas avec moi dans mon paradis, parce que mon paradis va devenir un enfer, ce sera pas long. C'est la personne qui est en cause. Des individus qui, à l'extérieur de la maison, s'entendent bien, et qui dans la maison s'engueulent, ah là, c'est possiblement à cause de la maison, du mobilier. Mais des individus qui s'engueulent régulièrement, ben, il faudrait qu'ils les ménagent. Mais chacun chez soi. Pas nécessairement en même temps. Dans la même direction. Je viens de trouver mon image miroir. 3 ans sans travailler, les portes vont-elles se réouvrir? Les finances vont bien quand même. Tu vois, moi, ça fait 3 ans que je travaille puis je ne suis pas payé. Puis ça. Moi, ça fait 3 ans que je ne travaille pas puis je suis payé. C'est ça. Pour moi, l'argent. Mon image miroir, c'est ça. Les portes vont-elles se réouvrir? Qu'est-ce que je n'ai à faire? Elles sont bien assez ouvertes. Là. Ça fait 3 ans que tu ne travailles pas, puis la finance, ça va bien, puis il se plaît. Mais c'est pas ça l'idée. Les portes vont-elles se réouvrir? Quelles portes? Pendant ces 3 années-là, alors, est-ce que vous êtes occupé de les ouvrir, les portes, chez vous? C'est pas le travail, c'est pas la finance. Tant mieux que la finance aille bien, ça vous permet d'avoir le temps de travailler sur vous. Pour parvenir à trouver des moyens de financer, pas de financer, mais de monnayer votre intelligence. Et là, vous pourrez garantir une entrée financière régulière sans jamais travailler. facile de monnayer son intelligence quand on comprend la mécanique, quand on n'a pas trop peur, quand on y va pas émotivement. Les portes vont se réouvrir, qu'est-ce que ça veut dire? Les portes que je veux qu'ils s'ouvrent, moi, chez l'être humain, que je veux que le genre de portes que je veux qu'ils s'ouvrent, c'est des portes au niveau de la conscience. Tout le reste à venir, c'est évident. Je le sais, je ne parle pas à travers mon chapeau, j'ai risqué énormément en tentant d'appliquer ce que je dis. Et ça fonctionne. Les imbéciles d'humains, souvent, vont venir me dire « Ah oui, mais parce que toi, c'est exceptionnel. C'est parce que toi, c'est pas pareil. » Mais quand je suis parti, moi, c'était pareil. Puis maintenant, moi, c'est plus pareil. Mais il faut que les autres le fassent. Il y a une phase où ce que c'est très, très, très sinusoïdal, ça monte, ça baisse, ça vient, ça va. On te donne et on reprend. À quel intérêt? Mais ça fonctionne. On te reprend avec intérêt ou on te donne avec intérêt? Non, les deux. Ouais, c'est... On est intéressé de donner parce qu'on reprend avec intérêt. On reprend avec intérêt, oui. Ça fonctionne. Alors, les portes vont s'ouvrir. Il faut que dans la tête de l'humain, ça s'ouvre. Puis quand ça se fait, ben, l'humain commence à vivre mieux. L'humain commence à se sentir mieux. Il comprend mieux. Il y a moins de stress, moins de questions idiotes à se poser. Les chemins vont s'ouvrir tout seuls. Financièrement, ça va se placer aussi. Mais on doit travailler sur soi. Quand vous allez être à l'an 2000, dans 10 ans, assis sur une feuille, une chaise qui tourne, là, qui flotte sur des coussins d'air dans votre maison, puis que votre fils vient d'accrocher, là, puis ça va vous envoyer sur le mur, là, parce que le coussin d'air, ça n'a pas beaucoup de friction. Si vous êtes ouvert des portes pour avoir les deux plus beaux bungalows de la planète, ça va changer quoi dans votre vie? C'est pas ça, c'est pas là qu'on doit ouvrir les portes. Être dans le confort, c'est correct. Si on est aussi dans l'intelligence, sinon c'est encore du passage de temps. Vous savez une chose? Si un jour, vous n'êtes pas intelligent, que vous gagnez à la loterie, puis que vous avez une super belle maison qui passe au bord de la mer, vous ne le saurez pas, mais moi, je le saurai. Vous ne serez que les gardiens de l'argent et de la maison d'un autre qui est en train d'évoluer. Puis vous venez le chercher à un moment donné. Ça, c'est immanquable. Vous la perdrez. Sauf que si vous êtes réellement évolutif, si on est capable de travailler sur soi de temps en temps pour régler ces maudits problèmes, les problèmes d'humanité, pas les problèmes financiers, on doit les régler aussi, mais on doit s'entretenir financièrement pendant qu'on se règle nous-mêmes. Il y en a qui se disent, quand je serai riche, j'évoluerai. Quand tu seras riche, tu ne seras jamais assez riche. Alors, si, il y en a présentement qui travaillent. Moi, ça ne me dérange pas, ils me bâtissent ce que j'ai besoin. Puis quand ils vont la perdre, la belle cabane qu'ils ont eue, ils vont la rendre pas chère, là, moi, t'es juste prêt, moi, à la chercher. Alors, ouvrez les portes, c'est à l'intérieur de soi qu'on ouvre les portes. C'est tout, c'est pas dans la vie, ça va s'ouvrir tout seul. On n'a pas besoin de travailler pour les défoncer. Je suis clairvoyant, moi aussi. Qu'est-ce qui fait que dans... Je sais pas combien qu'on est ici, là. Dans la salle, il n'y a pas plus, je suis certain, que la moitié, puis encore, qui vont... Puis je m'inclus là-dedans, là, qui allons appliquer ce que tu as dit tantôt. De faire une heure par semaine, puis une heure par jour, quand... C'est comme si tu dis, ben, pour réussir, là, il faut que tu montes l'escalier, puis après ça, quand tu rouvres la porte, puis tu montes un autre escalier, puis on dit, oui, c'est bien... manger pour en parler. C'est bien facile, puis on monte pas. Mais non, tout le monde s'en va à la cafétéria pour en parler. Ouais. Triper sur quand ils vont y aller. Pourquoi? Il y en a un qui fait trois marches, qui descend pas là pour aller contre ça aux autres. Pour la simple raison que les gens, c'est ce que je me tenais à t'expliquer, les gens veulent pas monter l'escalier, les gens veulent tenter de monter l'escalier. On veut savoir comment faire pour aller en haut. C'est comme de dire, on aller. Peut s'en sortir, oui. Comment, comme ça? Ah bon, je suis rassuré. Parfait. Continue. L'Église catholique, elle a réglé les problèmes dans ce sens-là. Elle fut que l'humain, à l'époque, avant Vatican II, l'humain se réincarnait. Maintenant que l'humain savait qu'il se réincarnait, il s'est dit, ah, je vais me réincarner, ben, j'ai mon tripé de vie ici, il va reprendre dans la prochaine vie. Mais comme l'humain est bâti sur de la mémoire, ben, dans la prochaine vie, quand il revenait, qu'est-ce qu'il se rappelait? Il se rappelait qu'il fallait qu'il tripe dans ce vie-ci, puis que dans la prochaine, il se reprendrait. Alors l'Église, à un moment donné, Vatican II, ben, ils ont expliqué aux prêtres qu'il fallait qu'ils n'enseignent plus la réincarnation. Ils n'ont jamais dit de dire que c'était pas vrai. Ils ont dit, enseignez-la plus. Ça nuit. Maintenant que tu sais qu'il y a un escalier à monter, ben, c'est merveilleux. Moi, j'étais insécure parce que je pensais qu'il n'y en avait pas. Maintenant qu'il y en a un, bon, on continue à faire mon bordel. Maintenant que je sais qu'il y en a un. Alors, faut que, en répétant souvent dans des conférences, en répétant, en écoutant des cassettes, etc., à un moment donné, on finit par programmer suffisamment la structure astrale, la structure d'évolution, la structure de stagnation. Et puis, à un moment donné, ben, on devient capable de monter les marches. Le problème qu'il y a, c'est que on est une gang à vouloir monter ensemble. Tu dis, va voir, oui. Tu montes 3-4 marches. Puis, comment c'est? Mais là, comment c'est? M'en aller voir un peu plus loin. Mais là, la gang, ils descendent en bas. Ils veulent que tu le comptes ça. Puis là, ton ego embarque. Quand tu arrives jusqu'en haut de l'escalier, tu commences à voir, là, est-ce que tu montes jusqu'en haut? Ben non, tu redescends en bas pour le compter. Hey, quand tu redescends en bas, tout le monde vient te voir et ça se fait autour de toi. Puis là, t'es rendu, t'es dévénéré. T'as plus besoin de monter en haut. Tu penses que t'as atteint le sommet. Tout le monde te le dit. T'as rien compris? Les gens peuvent appliquer, doivent appliquer. Il y en a qui vont appliquer une semaine, deux semaines, trois semaines, ça tombe. Mais progressivement, les humains vont finir par l'appliquer. Il nous reste encore quelques années pour qu'on se déniaise. Pas plein d'années. Quelques années. C'est encore en masse. Mais il faudrait pas qu'on... Et l'histoire est extrêmement changeante, l'histoire de l'avenir. Alors on va se dire, on est jusqu'à 95. En 95, on va apprendre que... On s'est trompé, c'est en 93. Peut-être jusqu'à 95, on va se dire, on est jusqu'à l'an 2002. Puis l'an 2002, peut-être qu'on est jusqu'à l'an 2007. Puis l'an 2007, les historiens sont trompés. C'était en 2003. Fait que, fiez-vous pas sur personne. Puis en plus, à quoi ça sert d'attendre jusqu'à l'an 2003 pour commencer à être bien? Hein? C'est ça que souvent l'humain se pose. Il faut que je sois comme ça pour être, disons, salvable énergétiquement. Mais c'est pas pour rien que pour ça. Là, d'un coup, c'est une théorie qui est frauduleuse. Là, d'un coup, qu'il n'a jamais d'apocalypse. D'un coup, qu'il n'a pas d'extraterrestre. D'un coup, que. Fait que fais pas ça pour ça. Mais la souffrance, l'angoisse, les problèmes, le chiolage, les pertes d'énergie, les maladies, ça, c'est réel. Ça, il y en a. Si tu fais la même chose, tu règles ça. Et tu seras possiblement transportable. Il n'y a pas un foutu extraterrestre, le moins vraiment intelligent, qui va vouloir vous autres dans son vaisseau spatial. S'il y en a un qui vient voir, qui vous dit « Monte, je viens te sauver », croyez-le pas, c'est un imbécile. Après, il vient vous chercher. Ben, c'est un imbécile. Il va embarquer quelqu'un qui chiole, quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui a besoin de motivation, qui... Voyons donc! Si, par contre, on s'arrange pour régler tout ce genre de problématiques, qui supporte l'évolution spirituelle de l'humanité depuis le début de sa conscience? Mais faut pas faire ça, on va se faire enlever, là. Non, tu règles ça au complet, puis là, à un moment donné, si quelqu'un vient te chercher, ben, lui sera intelligent, parce que tout sera correct. Ben, j'espère qu'on va être assez intelligent pour pas marquer. Si... Non. L'extraterrestre qui est frauduleux, ou l'intraterrestre qui est dangereux, il viendra pas chercher quelqu'un d'intelligent. Jamais ça parle à quelqu'un d'intelligent. Et jamais. Parce que l'intelligence décode ça immédiatement. L'intelligence se transforme en terrestre extra. Ça ne suit pas un extraterrestre. Par contre, ce qui va arriver, c'est que lorsque tu es suffisamment libre, totalement ouvert, épanoui, mais réellement, individuellement, si un extraterrestre vient te voir, tu vas être capable de le décoder. Puis si lui vient te voir, c'est parce que vous êtes à son niveau. Là, il n'y aura pas de problème. Mais en attendant, regardez comment on est, comment nous sommes présentement. Si on ferait un diagramme, tu sais, dans la journée, de toutes les conneries qu'on fait par rapport aux choses intelligentes qu'on fait, puis je ne parle pas en valeur, je parle en quantité d'énergie, t'sais, j'ai eu une bonne idée, puis je suis le reste de la journée, mais j'ai eu une mousse bonne idée, fait que ça compare pas tout. T'as eu 5 minutes d'intelligence, puis 23h55 de conneries. Si on observe, prenez comme exemple, prenez tout ce qui est mauvais chez vous, expulsez-le à l'extérieur, puis voulez-vous que ça reste chez vous? Que ça couche dans le même lit que vous, puis ça partage le même fauteuil, puis ça habite chez vous. Pensez-y. Bon, ben, il n'y a pas une foutue intelligence qui veut de vous. Il y a d'intelligence chez l'homme, il y en a chez vous. Mais elle ne veut pas, cette intelligence-là, elle ne veut pas cohabiter avec le reste. Sauf qu'elle contrôle très peu présentement. Le corps est presque prêt à descendre de l'intelligence. Mais le reste, les mémoires, l'ego, les ennuis, les chiolages, les insécurités, les peurs, les manques de motivation, les stress, oui, mais ça. Passer sa vie à vouloir réussir sa vie pour mourir, ça, il n'y a rien de plus con que ça. Mais tout ça au complet, il n'y a pas une intelligence qui veut ça. L'humain ne doit pas travailler pour se sauver, pour éviter l'apocalypse. Juste pour être mieux, là. C'est déjà là. Juste pour être mieux là. Puis nécessairement, si un jour, il y a des choses qui se passent, ça se passera. Mais les caves seront amenées par des caves. Puis les intelligents, par des intelligents. Je ne sais pas comment il se fait que j'ai l'impression que je perdrai de l'énergie si je passe mon temps à être conscient vivant. Ben c'est simple, c'est comme de dire, il faut tellement être conscient quand tu apprends à conduire ton automobile, là, que ça n'a pas de sens. Tu ne pourras jamais conduire sur l'autoroute s'il pleut avec un petit peu de glace à terre. Juste à tenir le volant droit, là, puis à penser de temps en temps à regarder le nerveau du miroir, puis à pas comprendre ce qui est dedans. Oui, monsieur, c'est une question simplement de d'habitude. Le cerveau finit par développer des périphériques qui vont libérer ceux que vous occupez présentement. Donc, ça se fait tout seul à un moment donné. Être conscient totalement ne veut pas dire « Bon, là, je suis conscient que je me suis assis. » Bon, je suis conscient que je viens de placer mon veston. Je suis conscient qu'il y a un micro. Bon, maintenant, il faut que je reste conscient. Non, t'es mort. Tu regardes des photos. C'est pas ça, être conscient. C'est de sentir le corps bouger, de sentir l'énergie vitale qui est dedans. Pas de dire, bon, tiens, là, je suis conscient que mon bras vient de se lever. Tout répéter, tout ça complet. Voyons donc, c'est de la mémoire. Là, je suis conscient que je suis assis. Hey, je l'étais déjà, tu sais. Je suis mort. Je suis dans le passé total. Bon, je suis conscient que je me lève. C'est pas ça être conscient. Ça, c'est jouer. À partir du moment où tu le dis, t'es déjà mort. Ben oui, totalement. Alors, c'est pas ça être conscient du tout. Être conscient, c'est quoi? C'est être naturel. C'est être naturel, mais l'humain va dire être naturel, ben moi je suis à mon naturel avec... Non. L'humain, c'est pas c'est quoi être naturel. C'est la prochaine question. Oui, c'est d'être naturel, mais c'est quoi être naturel? Mais oui, mais moi je suis colérique quand je suis en colère, je suis naturel. Non, t'es normal. Naturel. Être naturel, c'est un mot à qui on peut faire dire et justifier n'importe quoi. Pas comme tous les mots. Un mot plus clair, ajusté, serait mieux. Pourquoi un mot plus clair, ajusté, serait mieux? Si vous savez ce que je veux dire par naturel, si vous savez ce que vous voulez dire par naturel, le mot est parfait. Là, un mot clair ajusté serait mieux. Syllabe. Faut être syllabe. Quand on parle avec quelqu'un, comment savoir si on se dynamise ou s'énergise? Si on se dynamise, c'est la même chose que si on s'énergise. Si on s'énergifie, c'est autre chose. Comment savoir si on s'énergise ou si on s'énergifie? Énergification veut dire qu'on conserve mutatoirement, cellularisairement. On a cellularisé les quotas d'énergie qu'on ramasse, ce qui fait qu'après une énergisation, on va redescendre au même taux. Après une énergification, on descend un taux plus haut. Dynamiser ou énergiser, c'est la même chose. Énergifier, c'est plus précis. Comment le savoir? Même chose. Si vous discutez avec quelqu'un, puis ça vous dynamise, ça vous survole, ça vous énergise, quand vous partez, essayez d'être le plus conscient possible. Qu'est-ce que ça veut dire être conscient? Ça veut dire que vous êtes le maître à bord, le maître contrôleur, Être conscient, ça veut dire que lorsque vous frappez le genou sur un cadre de porte, puis que vous vous mettez à chioler, vous le savez que vous venez de chioler. Alors vous chiolez plus. Lorsque vous devenez, redevenez normal, animal humain, chaque fois que ça semble revenir, vous le savez, vous le repoussez. Alors automatiquement, vous allez vous énergifier. Suis-je plus vivant lorsque je m'observe vivre comme s'il y avait un autre moi qui est au-dessus de moi et partout où je suis et qui en même temps me fait intelligencier ce qui est vécu dans l'immédiat, ou suis-je plus vivant lorsque je fais une chose et qu'en même temps j'ai conscience du mouvement de mes muscles, articulations, du sang qui circule? Dans les deux cas, vous êtes vivant. Si vous ne tripez pas, si vous ne voyagez pas astralement, si vous ne vous orgueillisez pas de la chose, dans les deux cas, vous êtes vivant. Sauf que dans l'un des cas, le mental est totalement inclus et prend contrôle du corps vital, celui où je fais quelque chose et je sens. Dans l'autre cas, le mental observe l'ego, qui lui aussi observe des choses qui se passent. Mais dans les deux cas, on est suffisamment vivant, c'est déjà un bon début. Que veux-tu dire par faire de l'ordre dans sa vie amène le désordre à l'extérieur? Pas amène, mais le désordre à l'extérieur et non pas amène. Ce que je veux dire, c'est que si vous mettez de l'ordre dans votre automobile, ben vous allez placer le désordre de l'automobile ailleurs. Si je fais rentrer l'ordre chez moi, je fais sortir le désordre. C'est évident. Si je suis capable d'orchestrer mentalement ma sacoche, ma valise d'auto, ma maison, ma chambre, nécessairement, j'orchestre aussi mentalement ma tête. Si j'organise l'extérieur, j'organise l'intérieur. Le désordre, je le désordre tout le temps.